C'est parti. Ouais, vas-y. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Encore plus. En mode. Oui, monsieur. Non, c'était nul. Oui, monsieur. Peut-être que c'est. Il faut pas qu'il fasse trop fort non plus devant lui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, putain! Attends! Bon petit. Ah, les petites tapes sur le. Sur l'épaule. Connard. Je vais te refaire ce. Ouais, voilà. Connard. Bordel, j'ai à peine 2 heures de temps libre. Oh merde, la transition. Ensuite, la transition. Ah alors, attends, j'essaye de tout refaire. Bordel, j'ai à peine 2 heures de temps libre. Oh merde, la transmission, je suis en retard. Non, c'était nul. Ok, d'accord. Bordel, j'ai à peine 2 heures de. Attends, j'ai essayé de rester crispé un petit peu. Bordel, j'ai à peine 2 heures de temps libre. Bordel, j'ai à peine 2 heures de temps libre. J'essaye de faire bien. Je vais essayer de tout faire après. Bordel, j'ai à peine 2 heures de temps libre. Oh merde, la transition, je suis en retard. La transition, putain, pourquoi? Écoute, on va dire que c'est des transitions maintenant. Hop là. Voilà, c'était le but de toute façon. Voilà. Oh merde, la transmission, je suis en retard. Non, c'était. Oh merde, la transmission, je suis en retard. Merde, putain. Oh merde. La transmission, je suis en retard! C'était bien là. Alors. Putain, faut pas que je traîne trop sur le texte, sinon ça va être une horreur à dérusher. Alors. Oh merde, la transmission, je suis en retard! Ok, d'accord. Oh merde, la transmission, je suis en retard. Ok. Oh merde, la transmission, je suis en retard. Ah, d'accord. Oh merde, la transmission, je suis en retard. Oh merde, la transmission, je suis en retard. Ok, d'accord. De toute façon, s'il y a besoin de la refaire, tu me le diras. Je te ferai en 60 exemplaires. Ok. Delta 4 AQG. Attends. Delta 4 AQG. Delta 4 AQG, vous me recevez? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Delta 4 à QG. Delta 4 à QG, vous me recevez? Ok, d'accord. Donc le premier, je le garde un peu comme ça. Delta 4 à QG. Delta 4 à QG, vous me recevez? Delta 4 à QG, vous me recevez? J'avais plus le début, du coup j'ai fait directement ça. J'ai une grande réplique. Laissez-moi le temps de la préparer, s'il vous plaît. Ça avance bien, j'ai eu accès au compte et j'ai pu les copier rapidement. Nos théories se confirment, il existe bien un second compte qui détourne l'argent du premier. Oh mon dieu! L'administration trame quelque chose en secret, je suis de plus en plus convaincu. Je ne peux pas prendre le risque de garder ces fichiers trop longtemps avec moi. Vas-y, je vais jouer exactement comme ça. Ça avance bien! Il y a quelqu'un qui s'est connecté. Il y a quelqu'un qui est parti. J'ai pas vu qui c'était, j'ai le truc en grand, donc... Ah, d'accord. Alors, attends, voilà, c'est pour ça que je voyais pas bien. Comme j'ai cassé mes lunettes, je vois pas bien le texte, en fait. Alors, c'est parti. Ça commence à progresser de votre côté. Ça avance bien. J'ai eu accès au compte et j'ai pu les copier rapidement. Nos théories se confirment. Il existe bien un second compte qui détourne l'argent du premier. L'administration trame quelque chose en secret. J'en suis de plus en plus convaincu. Mais je ne peux pas prendre le risque de garder ces fichiers trop longtemps avec moi. Ok. J'essaye de pas aller trop intense parce que sinon ce serait un peu con, mais. Alors. Ouais, ok. Ça avance bien. Ça avance bien. Je double. Ça avance bien. J'ai eu accès au compte et j'ai pu les compier rapidement. Les compier. J'ai eu accès au compte et j'ai pu les copier rapidement. D'accord. J'ai eu accès au compte et j'ai pu les copier rapidement. J'ai eu accès au compte et j'ai pu les copier rapidement. Nos théories se confirment. Il existe bien un second compte. Merde, j'ai cru qu'il y avait un bel et bien. Du coup, je me suis... Ouais. Mais du coup, ça m'a troublé de pas le voir et du coup, j'ai arrêté ma phrase. Nos théories se confirment. Il existe bel et bien un second compte qui détourne l'argent du premier. La fluidité. Nos théories se confirment. Il existe bien un second compte. Hop là. Nos théories se confirment. Il existe bel et bien un second compte qui détourne l'argent du premier. Ah ouais? Ok, d'accord. Nos théories se confirment. Il existe bel et bien un second compte qui détourne l'argent du premier. Ok. Nos théories se confirment. Il existe bel et bien un second compte qui détourne l'argent du premier. La première fois était mieux. L'administration trame. Ah putain, vas-y, super. Pardon, je dis beaucoup, putain, c'est pas bien. Il faut que j'arrête. Crotte de bique, c'est mieux. Ah. L'administration trame. Oui. L'administration trame quelque chose en secret. J'en suis de plus en plus convaincu. Voilà, c'est ça. Ce que je me dis depuis tout à l'heure, j'y arrive pas. L'administration t'a... Ouais. L'administration trame quelque chose en secret. J'en suis de plus en plus convaincu. L'administration trame quelque chose en secret. J'en suis de plus en plus convaincu. Ok. Je refais encore? Ok. L'administration trame quelque chose en secret. Non! L'administration trame quelque chose. Ah, c'est pas possible. L'administration trame quelque chose en secret. J'en suis de plus en plus convaincu. Ok. Est-ce que j'allais arriver à doubler? L'administration trame quelque chose en secret. J'en suis de plus en plus convaincu. Allez. Attends, oh là là. Mais je ne peux pas prendre le risque. Attends. Mets tout à la même ligne. Ça va moins me déconcentrer, s'il te plaît. En fait, comme j'arrive, il y a que deux lettres. Voilà, que deux. Parfait. Merci. C'est gentil. Comme j'ai pas mes lunettes, c'est ultra chaud d'arriver à garder le fil. Mais je ne peux pas prendre le risque de garder ces fichiers trop longtemps avec moi. Faudrait que je joue maintenant. Allez, allez. Mais je ne peux pas prendre le risque de garder ces fichiers trop longtemps avec moi. D'accord. Mais je ne peux pas prendre le risque de grader. Je ne peux pas grader ces fichiers. Voyons, ce ne sont pas des militaires. Espèce d'abruti. Mais je ne peux pas prendre le risque... Non, c'est n'importe quoi. Mais je ne peux pas prendre le risque de garder ces fichiers trop longtemps avec moi. Mais je ne peux pas prendre le risque de garder ces fichiers... Gardier, non. Ouais, et en plus, en fait, j'ai la bouche sèche. Du coup, depuis tout à l'heure, c'est compliqué. Mais il faudra que j'aille boire entre deux trucs. Mais je ne peux pas prendre le risque de garder ces fichiers trop longtemps avec moi. Ça, tu penses que ça ira? Ok. Parfait. Parfait. Bien reçu QG. Bien reçu QG. Hein, je sais pas. Je le fais comment? Bien reçu QG. Terminé. Bien reçu QG. Terminé. Je vais t'anéantir, les grilleux. Te détruire. Ok. Je recommence depuis le début, je refais tout. Je vais t'anéantir, la grillue. Te détruire. Je vais t'anéantir, la grillue. Te détruire. Te détruire. Le mec, il devient méchant James Bond. Te détruire. Ça. Ah oui. Bordel, qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais tu vois, elle est là, la transition dont je parlais depuis tout à l'heure. Elle est juste au-dessus. Alors. Ouais. Mais, je suis pas arrivé en retard à la transition. Alors. Pardon. Allez, allez, on y va. Bordel, qu'est-ce qu'elle fait? C'était très mal joué, j'ai l'impression. Bordel, qu'est-ce qu'elle fait? Bordel, qu'est-ce qu'elle fait? Bordel, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Bordel, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai ma voix qui est partie en couille. Ah ouais. Ah d'accord. Peut-être pas le petit bruit. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? J'espère que. Y a quelqu'un? Ouais, c'est bon. Je regardais si c'était pas en train de. De saturer, mais non, pas du tout. Bordel, manne-toi, aïe. Peut-être un peu plus long. Aïe. Aïe. Donc je fais bien le aïe. Ok. Voilà. Il était merveilleux. Merveilleux. C'est pas possible. Voilà. Bordel, manne-toi, aïe. D'accord. Bordel, manne-toi. Bordel, mind-toi. Au prochain épisode. À la suite maintenant. Ah, enfin. Ouvre la fenêtre, bruit de flap-flap qui entre. Attends, j'ai pas pu résister à le faire. Ok. Ah, enfin. Pardon. J'étais en train de réfléchir à comment je l'avais fait avant. Ah, enfin. Oui, je l'ai complètement perdu, là. Pardon. Ah, enfin. Pardon. J'étais tellement pas sûr de vous. Mais vous devriez essayer de voir comment ça rendrait. Ça va être merveilleux. Ah, enfin. Ah, enfin. Ah, enfin, te voilà. Ouvre la fenêtre, bruit de flap-flap qui entre. On va pas oublier ça. Laisse mon flap-flap tranquille. Ça, c'est une phrase à remettre quelque part. Ah, enfin. Ah, enfin. Non. Je l'ai reperdu. Finis. Jouer bien, c'est pas facile, ok? Ah, enfin. Ah, enfin. Ah, enfin. Je peux pas doubler, là. Oh, le dérechage de la mort, quoi. J'ai l'habitude, Apollo, c'est toujours comme ça. Alors, bruitage de caleçon, ça va être... Ok. Moi aussi, je suis content de te voir, Aïe. T'as pas idée. C'était pas assez rapide. Non, je trouvais que c'était trop long, la pause. Moi aussi, je suis content de te voir... Pardon. Moi aussi, je suis content de te voir, Aïe. T'as pas idée. Moi aussi, je suis content de te voir, Aïe. T'as pas idée. La caresse. Il faut que j'arrête. Non, mais je m'en doute. T'imagines, le mec, il croit vraiment qu'il faut le lire. Ça fait du bien d'avoir un allié dans le coin. Non, peut-être plus soulagé, tout simplement. Ça fait du bien d'avoir un allié dans le coin. Dans le coin-coin, vu que t'es un oiseau. Pardon. Non. Attends. Ça fait du bien d'avoir un allié dans le coin. Ça fait du bien d'avoir un allié dans le coin. Hop, bruitage de caleçon. On connaît les bails. Le mec est un zoophile, je vois. Non, je sais, c'est pour faire les battements d'ailes, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'il y a écrit à côté. Ok. Écoute, tu le ramènes ça rapide. Ouais, ouais. Écoute, tu le ramènes ça rapidement, hein? Écoute, tu le ramènes ça rapidement, hein? Écoute, tu le ramènes ça rapidement, hein? Écoute, tu leur ramènes ça rapidement, hein? Pourquoi j'ai dit re? Je sais pas. Ramène ça. Écoute, tu leur ramènes ça rapidement, hein? C'est très important. Avec ça, ils vont peut-être... Comment? Ok. C'est très important. C'est très important. Non, pourquoi j'ai fait ça? C'est très important. Important. C'est important. Attention. Avec ça, ils vont peut-être enfin m'aider à me barrer d'ici. Et au passage, me faire beaucoup de mal. Mec, peut-être qu'ils vont me faire du mal. Je suis un monsieur très méchant, tu comprends? Hétéris le porno. La parodie porno directement avec les vrais acteurs. Avec ça, ils vont peut-être... Alors, non, il faut que je me remette dedans. C'est très important. Avec ça, ils vont peut-être enfin m'aider à me barrer d'ici. Et au passage, faire beaucoup de mal à un monsieur très méchant. Tu comprends? Je recommence. D'accord. D'accord. Ok, d'accord. Avec ça, ils vont peut-être enfin m'aider à me barrer d'ici. Et au passage, faire... Tu comprends? Quoi? Oh, mais t'es sérieux? Alors. Avec ça, ils vont peut-être enfin m'aider à me barrer d'ici. Et au passage, faire beaucoup de mal à un monsieur très méchant. Tu comprends? Ok, d'accord. Avec ça, ils vont peut-être enfin m'aider. Ah, dommage, je pense que c'était bien parti. Mais... Avec ça, ils vont peut-être enfin. Non, non, c'était nul. Allez, oh, c'est parti. Avec ça, ils vont peut-être enfin m'aider à me. D'ici, pourquoi j'y arrive plus? Ok. Avec ça, ils vont peut-être enfin m'aider. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Avec ça, ils vont peut-être enfin m'aider à me barrer d'ici et au passage faire beaucoup de mal à un monsieur très méchant, tu comprends? Fais de bonne petite, je compte sur toi. À bientôt, aïe, sois prudente. Bon, ça c'est fait. Tu veux un robot? Dommage. Avec ça, ils vont peut-être enfin m'aider à me barrer d'ici et au passage faire beaucoup de mal à un monsieur très méchant. Tu comprends? Double? Le mot redouté. Double. Avec ça, ils vont peut-être enfin m'aider à me barrer d'ici. Et au passage, faire beaucoup de mal à un monsieur très méchant. Tu comprends? Alors tu vois, là, je suis tellement claqué que j'ai lu vomissement à la place de croassement. Donc t'as l'oiseau qui digère dessus. Bonne petite. Ouais. Ouais. D'accord. Oh, le patriarcat. Bonne petite. Non, je fais ça. Oui, complètement. Bonne petite. Je compte sur toi. À bientôt, Aïe. Sois prudente. J'ai dit Aïe. D'accord. Bonne petite. Je compte sur toi. À bientôt, Aïe. Sois prudente. Bonne petite. Je compte sur toi. À bientôt, Aïe. Sois prudente. Je recommence? Bon, ça c'est fait. Bon, ça c'est fait. Bon, ça, c'est fait. Hein? Non, c'est parce que vous... Hein? Non, attends. En fait, j'ai envie de bouger. pour que mon corps suive le jeu, mais le problème c'est que ma chaise elle grince beaucoup. C'est dommage. Hein? Non, c'est parce que vous... Hein? Non, c'est parce que vous... C'était mieux la première fois. Alors, attends, je regarde juste les didascalies. Pitié, s'il vous plaît, ne me dépose... Hein? Ok, d'accord, s'il vous plaît. Attends, je regarde. Ouais. Pitié, s'il vous plaît, ne me dénoncez pas, Mazu va me tuer. Mazu, ah, je sais pas. Mazu, j'en étais sûr. Ok, d'accord. J'oublie de jouer. Non, je sais. J'oublie le jeu. Pitié, s'il vous plaît, ne me dénoncez pas. Mazu va me tuer. Ok, d'accord. Ah, merde. Alors. Pitié, s'il vous plaît, ne me dénoncez pas, Mazu va me tuer. Pitié, s'il vous plaît, ne me dénoncez pas, Mazu va me tuer. Pardon? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pardon? Qui êtes-vous? Pardon? Comme ça, un peu aigu. Pardon? Qui êtes-vous? Pardon? Qui êtes-vous? Le retour de la transition. Mais ils vont faire combien de temps les épisodes, sérieux? Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Ça dépend après de la réal qu'il y a derrière. Ok. Ah, je pensais que ce serait plus long que ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça annonce que du bon, alors. Des épisodes d'une heure. Je vais lui toucher l'idée. Faire du forcing. Écoute, ce sera pas de ma faute, totalement. Je n'aurais fait que soumettre une idée qui était déjà présente. Alors, c'est pas... Ok, bon, d'accord. Donc, on est dans ce genre-là, donc voilà, ok. Attends, mais je suis retourné largement en arrière. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ok, ouais, non, mais en fait, je crois que j'avais oublié de descendre le truc. Ok, voilà, parce que j'étais revenu à la discussion avec... avec AI, du coup, je me dis, c'est pas possible qu'il s'est rien passé entre temps. Alors, transition. Je comprends rien. Pourquoi vous m'avez amené dans vos quartiers? Ok. Je comprends rien. Pourquoi vous m'avez amené dans vos quartiers? Qu'est-ce que vous voulez de moi, concrètement? Je comprends rien. Pourquoi vous m'avez amené dans vos quartiers? Je comprends rien. Pourquoi vous m'avez amené dans vos quartiers? Qu'est-ce que vous voulez de moi, concrètement? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez de moi, concrètement? Qu'est-ce que vous voulez de moi, concrètement? Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Pas du tout. Je sais pas. Je sais pas. C'était mieux. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui me le prouve? Et qu'est-ce qui me le prouve? Et qu'est-ce qui me le prouve? Vous m'avez suivi, surpris en flagrant délit, il ne vous manque plus que des aveux pour faire tomber le reste de mes camarades, et vous avez les félicitations de Mazou. Pas vrai? Bon, j'en écris des pareils, je suis un Mazou. Vous m'avez suivi, surpris en flagrant délit, il ne vous manque plus. Ah, putain, c'est de ma faute, hein. C'est de ma faute, j'arrive pas à articuler. Vous m'avez suivi, surpris en flagrant délit, il ne vous manque plus que des aveux pour faire tomber le reste de mes camarades, et vous avez les félicitations de Mazou, hein? Vous m'avez suivi, surpris en flagrant délit, il ne vous manque plus que des aveux pour faire. Non, là, c'était beaucoup trop articulé. Vous m'avez suivi, surpris en flagrant délit, il ne vous manque plus que des aveux pour faire tomber le reste de mes camarades, et vous avez les flics. Non! Il nous vend. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous m'avez suivi, surpris en flagrant délit, il ne vous manque plus que des aveux pour faire tomber le reste de mes camarades, et vous avez les félicitations de Mazou, hein? Oh, merde. Non! Vous m'avez suivi, surpris en flagrant délit, et il ne vous manque plus que des aveux. Et il ne manque plus. Qu'est-ce que je fais? Oh, arrête d'inventer des mots. Vous m'avez suivi, surpris en flagrant délit, il ne vous manque plus que des aveux pour faire tomber le reste de mes camarades, et vous avez les félicitations de Mazou, hein? Je le fais comment, toi? Tu le vois comment, toi? Et vous avez les félicitations de Mazou, hein? Et vous avez les félicitations de Mazou, hein? Et vous avez les félicitations de Mazou, hein? Non, c'était nul. Oh, c'était nul. Oh, attends, attends. Ça, c'est pour le porno. Ça, c'est exprès pour toi. Pour te faire plaisir. Oh, non. Là, c'est le mec qui se fait prendre par surprise. Il s'arrête plus. Pourquoi je suis attaché à une chaise et je suis bâillonné, hein? Qu'est-ce que c'est que cette tenue de sadomasochiste? Ah non. Alors. Le gros bleu quand même. Ah, je disais le gros bleu qui s'est fait avoir par quelqu'un qui ne cherchait même pas à le coincer. Dans les règles, mais c'est dégueulasse. Ok, d'accord. Pardon, désolé. Ok, on recommence. Hop, je me rassois, c'est parti. Je connais le protocole, merci. Ok. Je connais le protocole, merci. Je connais le protocole, merci. Ok. Je connais le protocole, merci. Merci. Je connais le protocole, merci. Je connais le protocole, merci. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi que quoi? Donc, c'est juste que j'avais pas le texte, alors du coup j'avais, ça avait pas scrollé comme il fallait. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi prendre autant de risques? Pourquoi vous voulez rejoindre la rébellion? Pourquoi je suis attaché à une chaise, je vous le demande encore une fois? Pourquoi il y a de la paille partout? Pourquoi vous portez un masque? Lorla est jouée par qui? Ok. Bah, tu lui feras dire... Bon, suce-moi. Comme ça, ça restera dans le ton du porno. Oh my god, ça fait 36 minutes déjà, mais faut que je me grouille de faire le jeu. Allez, c'est parti. Ok. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi prendre autant de risques? Ok. Pourquoi prendre autant de risques? Pourquoi prendre autant de risques? Pourquoi vous voulez rejoindre la rébellion? Pourquoi vous voulez rejoindre la rébellion? Attends. Pourquoi vous voulez rejoindre la rébellion? Non? Ok, d'accord. J'ai eu le hockey en même temps, c'est pour ça que j'ai pas entendu ce que tu disais. Pourquoi vous voulez rejoindre la rébellion? Et si vous ne trouvez rien? Et si vous ne trouvez rien? Et si vous ne trouvez rien? Je suis juste réaliste et j'essaye de vous comprendre. Je suis juste réaliste, et j'essaye de vous comprendre. D'accord. Je suis juste réaliste, et j'essaye de vous comprendre. Je suis juste réaliste, et j'essaye de vous comprendre. Vous avez atteint une des plus hautes sphères de la société, et vous voulez redescendre? Ok. Vous avez atteint une des plus hautes sphères de la société. Et vous voulez redescendre? Ok. Vous avez atteint une des plus hautes sphères de la société. Non. Vous avez atteint une des plus hautes sphères de la société. Et vous voulez redescendre? Et vous voulez redescendre? Je pense que... Non. Et vous voulez redescendre? Redescendre. Je suis choqué et déçu. Et vous voulez redescendre? J'espère que ça ira. Sérieusement? Seriously? Sérieusement? Vous êtes juste une campagnarde sans mission, alors, bardée de principes inutile. De quoi? Oui. Alors, attends, je refais le sérieusement pour être sûr qu'on l'a bien. Sérieusement? Attends, j'ai oublié le... Sérieusement? Ok. Bon, je le laisse. Je vais essayer de pas le gâcher. Vous êtes juste une campagnarde sans ambition, alors? D'accord. Vous êtes juste une campagnarde sans ambition, alors? Vous êtes juste une campagnarde sans ambition, alors? Je rigolais pas, là. Ouais. Vous êtes juste une campagnarde sans ambition... Vous êtes juste une campagnarde sans ambition, alors? Mais qui se marre? C'est la tension qui redescend, ok? Vous êtes juste une campagnarde sans ambition, alors? Vous êtes juste une campagnarde sans ambition, alors? Bardée de principes inutiles et de manque d'affection? Oui, voilà, tu es bardée de manque d'affection. C'est logique. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, bardée de principes inutiles et en manque d'affection? Faut que je fasse un truc... fluide. Bardée de principes inutiles et en manque d'affection? Bardée de principes inutiles et en manque d'affection? Et vous êtes quand même une gardienne? Attends. Et vous êtes quand même une gardienne? Mais réveillez-vous! Vous avez idée du nombre de gens qui rêveraient d'être à votre place? Genre moi, par exemple? Moi, je dis ça. Ah bah tiens, c'est exactement ce qu'elle dit après. Parfait. Tu vois? Mais réveillez-vous! Vous avez idée du nombre de gens qui rêveraient d'avoir... Merde. C'est comme dans la vraie vie, t'arrives pas... Quand t'es énervé, t'arrives pas à dire les trucs. Mais réveillez-vous! Vous avez idée du nombre de gens qui rêveraient d'avoir... Putain. J'entends que je sature dans le vieux micro de merde et ça me perturbe. Oui, oui. Non, je suis en train de surveiller l'autre en même temps parce que... Mais réveillez-vous! Vous avez idée du nombre de gens qui rêveraient d'être à votre place? Mais réveillez-vous! Vous avez idée du nombre de gens qui rêveraient d'être à votre place? Je suis déstabilisé. Le texte est sur l'autre page. Ok. Hein? Non, mais... Hein? Non, mais... Hein? Non, mais... Je ne vous répondrai pas. Je ne vous répondrai pas. Oh, putain. Non, mais... Je ne vais pas vous répondre d'abord. Je ne vous répondrai pas. Je ne vous répondrai pas. Je vous répondrai pas. Certes. Bon. C'est d'accord. Je parlais de... Certes. Bon. C'est d'accord. Certes. Bon. C'est d'accord. Certes. Bon, c'est d'accord. Je parlerai de vous au chef de la rébellion, Inni. Ah, merde. D'accord. Je parlerai de vous au chef de la rébellion, Inni. Ah, parce que Ini, c'est l'autre? Ok, d'accord, mais c'est pour ça, moi, je comprenais pas. D'accord. Je parlerai de vous au chef de la rébellion, Ini. Je parlerai de vous au chef de la rébellion, Ini. Ah, ouais. Non, mais je suis dans toutes les scènes, ou c'est quoi le problème? Ouais, je crois qu'on l'a déjà passé en plus. Alors vas-y. Difficile d'en être sûr à 100%, mais le fait est que je ne suis pas encore libre. Qu'est-ce que je raconte? Je ne suis encore libre. Il y a... Voilà, c'est pour ça qu'elle me disait. Tu vois, moi je rajoute les mots pour être en accord avec ce qu'il y a écrit. Difficile d'en être sûr à 100%, mais le fait est que je suis encore libre. Non. Difficile d'en être sûr à 100%, mais le fait est que je suis encore libre. Enfin, aussi libre qu'on puisse l'être ici. Pardon, c'est parce que j'ai les cheveux devant les yeux et tout, c'est... Du coup, je me suis senti obligé de... Ok, alors. Enfin, aussi libre qu'on puisse l'être ici. Enfin, aussi libre qu'on puisse l'être ici. Elle est affectée à la même mission que moi? Vous êtes sûr de votre coup? Elle est affectée à la même mission que moi? Vous êtes sûr de votre coup? Ah, je vois! Ah, mais en plus, c'est exactement ce qu'il dit. C'est merveilleux. Tu vois, je voyais même pas le texte, mais... Je vois. Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Je vois. Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. C'était mieux la première fois? Ok. Je vois. Je vois. Ok. J'ai rien dit. Merci QG. Le mec. Bon, j'adore tuer des gens. Merci QG. Merci QG. Et nous ferons tomber le géant à sa tête. Je sais. Terminé. D'accord. D'accord. Et nous ferons tomber le géant à sa tête. Je sais. Terminé. Et nous ferons tomber le géant à sa tête. Je sais. Terminé. C'est toujours moi. Pardon. Attends. Bon sang, mais dans quelle merdier j'ai encore de... Oh merde, 8 heures déjà? Oh, il va me tuer! Et je vais adorer ça! Non, je déconne! J'ai marre! Oui, complètement! Alors. Bon sang, mais dans quel merdier j'ai encore de... Oh merde, 8 heures déjà? Il va me tuer! Le mec, il est trop intense, tu sais. Il va me tuer! Bon sang, mais dans quel merdier je vais encore de... Oh merde, 8h déjà? D'accord. Est-ce que je refais depuis le tout début ou pas? Ok. Oh merde, 8h déjà? Oh merde, 8h déjà? Peut-être un peu trop. Oh merde, 8h déjà? D'accord. Oh merde, 8h déjà? Il va me tuer. Il va me tuer. Il va me tuer. Ouais, complètement. Non, je dis. Oh, t'es vraiment nul. Oh là là. Alors. Il va me tuer. Non. Ok. Il va me tuer. Puis, transition. Tu vois, là, je les rate plus, mes transitions. Depuis tout à l'heure. Toujours on point. Hop. Monsieur, désolé, j'ai pas vu l'heure et... Ah oui, attends. Du coup, on l'entend courir dans le couloir aussi. Monsieur, désolé, j'ai pas vu l'heure et... Monsieur, désolé, j'ai pas vu l'heure et... Musique. Des trucs wesh. Oh oui. Non bah voilà, parce que sinon... Ok, c'est parti. Ouais, c'est ce que je pensais. À chaque fois, c'est la même chose. Ok. À chaque fois, c'est la même chose. J'ai beau le haïr de toutes mes forces, de toute mon âme. Oh putain, merde. Attends, je jouais avec un truc. À chaque fois, c'est la même chose. J'ai beau le haïr de toutes mes forces, de toute mon âme. Dès qu'il me touche, c'est fini. Putain. Impossible de savoir comment il fait. Mais il me tient. Au-delà du contrat des limites de l'administration, il me tient. Ok. Je refais que ça ou tout? Ok. À chaque fois, c'est la même chose. J'ai beau le haïr de toutes mes forces, de toute mon âme, dès qu'il me touche, c'est fini. Impossible de savoir comment il fait, mais il me tient. Au-delà du contrat, des limites de l'administration, il me tient. Ok, attends. Ah, j'ai pas de mouchoir ou quoi? Non! Parce que je sens que j'ai le nez pris en fait, et j'ai peur que ça rentre très très mal dans le truc. Bon, écoute. À chaque fois, c'est la même chose. J'ai beau le haïr de toutes mes forces, de toute mon âme, dès qu'il me touche, c'est fini. Pff, impossible de savoir comment il fait, mais il me tient. Au-delà du contrat, des limites de l'administration, il me tient. Il me tient bien, le salaud. Bah tiens, justement, je voulais te dire. Tiens. Comment il va le dire? Je ferai plus attention. Promis. Okay. Je ferai plus attention. Promis. Okay. Je ferai plus attention. Promis. Je ferai plus attention. Promis. À À chaque fois. Bon sang, qu'est-ce qui cloche chez moi? Ok. À chaque fois. Bon sang, qu'est-ce qui cloche chez moi? À chaque fois. Bon sang, qu'est-ce qui cloche chez moi? À chaque fois. Bon sang, qu'est-ce qui cloche chez moi? Pan pan cucu. Oui, monsieur. Je ne recommencerai plus. Je suis désolé. D'accord. Mais sincère envers qui? Ah, d'accord. Ok, d'accord. Oui, monsieur. Je ne recommencerai plus. Je suis désolé. Oui, monsieur. Je ne recommencerai plus. Je suis désolé. À chaque fois. À chaque fois. Ah, dommage. Ouais, je trouvais que la première était mieux. Oh putain, je suis encore là. Jusqu'au bout. Wow. Ok, d'accord. Oh là là. Oh bah moi ça me dérange pas forcément. Hein. J'aime bien être sous les feux de la rampe. Bonjour, Annie. Bonjour, Annie. Non, il avait l'air méchant, passif-agressif. Ouais. Bonjour, Annie. Ouais, faites pas gaffe à ça, d'accord? Ouais, faites pas gaffe à ça, d'accord? Franchement, Inny, j'ai pas envie d'en parler. Franchement, Inny, j'ai pas envie d'en parler. D'accord. Franchement, Inny, j'ai pas envie d'en parler. Franchement, Inny, j'ai pas envie d'en parler. J'ai eu mes supérieurs. D'accord. J'ai eu mes supérieurs. J'ai eu mes supérieurs. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Et ils sont d'accord. Vous faites partie de la rébellion sous le nom de sous le nom de Code Tétas. Et ils sont d'accord. Vous faites partie de la rébellion sous le nom de code Delta 5. Ok. Ouais, ok. Ouais. Et ils sont d'accord. Vous faites partie de la rébellion. Vous faites partie de la rébellion sous le nom de code Delta 5. Vous faites partie de la rébellion sous le nom de code Delta 5. Trop rapide. Vous faites partie de la rébellion sous le nom de code Delta 5. Ne vous emballez pas trop vite. Notre mission n'a rien de cool. Nos noms de code ne sont à utiliser que dans les conversations radio et les transmissions. QG, notre chef, va vouloir vous parler d'ici peu d'ailleurs. Oui. Ne vous emballez pas trop vite. Notre mission n'a rien de cool. Peut-être trop. D'accord. Ne vous emballez pas trop vite. Notre mission n'a rien de cool. Nos noms de code ne sont à utiliser que dans les conversations radio et transmissions. Et dans les transmissions. Le mec, il... Je zappe les mots. Nos noms de code ne sont à utiliser que dans les conversations radio et dans les transmissions. QG, notre chef, va vouloir vous parler d'ici peu d'ailleurs. Nos noms de code ne sont à utiliser que dans les conversations... Ah merde. Nos noms de code ne sont à utiliser que dans les conversations radio et les transmissions. Et dans les transmissions, putain, c'est pas possible. Nos noms de code ne sont à utiliser que dans les conversations radio et dans les transmissions. QG, notre chef, va vouloir vous parler d'ici peu d'ailleurs. QG, notre chef, va vouloir vous parler d'ici peu d'ailleurs. Quand j'aurai baissé le truc, voilà. Quand je jugerai que vous... Attends. Quand je jugerai que vous êtes effectivement digne de confiance. D'accord. Quand je jugerai que vous êtes effectivement digne de confiance. Quand je jugerai que vous êtes effectivement digne de confiance. Non. Non. Non. Ouais, je sais. Ok. Ouais, c'est un petit... ouais, il y a... C'est un dominateur, en fait, il aime bien les trucs. Oui. Bref. Putain. Mais qu'il est vraiment que ça... Il est au bout de sa vie. Bref. Notre job, c'est trouver les éléments. Oui, oui. Bref. Notre job, c'est de trouver des éléments compromettant l'administration et Mazou de l'intérieur. Bref, notre job, c'est de trouver des éléments Non. En fait, c'est pas ça. Je vous mens, depuis le début. Bref, notre job, c'est de trouver des éléments compromettant l'administration et Mazou de l'intérieur. Ouais, complètement. Bref, notre job, c'est de trouver des éléments compromettant... Là, je vais trop vite. Bref, notre job, c'est de trouver des éléments compromettant l'administration et Mazou de l'intérieur. Feuilles de compte, ordres étranges ou contradictoires, certains plans secrets, bref, tout ce qui se passe, tout ce qui... Oh, vas-y, ferme ta gueule, recommence depuis le début, c'est parti. Feuilles de compte, ordres étranges ou contradictoires, certains plans secrets. Bref, tout ce qui passe et qui nous interpelle, on le prend, on le copie et on l'envoie à la rébellion. Ok. Feuilles de compte, ordres étranges ou contradictoires, certains plans secrets. Bref, tout ce qui passe et qui nous interpelle, on le prend. On le copie et on l'envoie à la rébellion. Ils compilent les infos, les recoupent avec ce qu'ils ont et ils établissent... Hein ? Ça va me le faire à chaque fois, hein, je pense. Oui. Ils compilent les infos, les recoupent avec ce qu'ils ont et établissent une théorie. Ils compilent les infos, les recoupent avec ce qu'ils sont et établissent une théorie. Depuis le début, j'étais un docteur allemand de l'Allemagne nazie. Ils compilent les infos, les recoupent avec ce qu'ils ont et établissent une théorie. Ils compilent les infos, les... Voilà. J'ai pas trop compris. Écoutez, il fallait lire entre les lignes. Ils compilent les infos, les recoupent avec ce qu'ils ont et établissent une théorie. Après ça, on cherche à prouver si elle est valide ou fausse. Après ça, on cherche à prouver si elle est valide ou fausse. Non, pas du tout. Vous savez, c'est facile, hein, sinon pourquoi il y aurait autant de rebelles, hein ? Eh ouais, mais nos postes respectifs sont censés nous couvrir. Trouver des excuses, ne pas se faire remarquer, faire ce qu'il faut pour être au plus près de l'information, c'est aussi ça notre job. Eh ouais, mais nos postes respectifs sont censés nous couvrir. Trouver des excuses, ne pas se faire remarquer, faire ce qu'il faut pour être au plus près de l'information, c'est aussi ça notre job. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Mais nos postes respectifs sont censés nous couvrir. Trouver des excuses, ne pas se faire remarquer, faire ce qu'il faut pour être au plus près de l'information, c'est aussi ça notre job. Vous ne le serez pas. Le gros bâtard. Ah, je commence à comprendre le mec. Ne vous en faites pas, vous avez le droit d'abandonner. Gros bâtard. Quel gros bâtard. Ne vous en faites pas, vous avez le droit d'abandonner. Je sais bien que je vais finir juste par faire le boulot tout seul, comme avant votre apparition dans ma vie. Je ne vous vois pas tenir plus d'une semaine de toute façon. Ne vous en faites pas, vous avez le droit d'abandonner. Je sais bien que je vais finir par... Ouais. Oh, attends. Ah, bon. Ne vous en faites pas. Vous avez... Pff, non, le mec, il devient rassurant. Ne vous en faites pas. Vous avez le droit d'abandonner. Je sais bien que je vais juste finir par faire le boulot tout seul, comme avant votre apparition dans ma vie. Je ne vous vois pas tenir plus d'une semaine, de toute façon. Je ne vous vois pas tenir plus d'une semaine, de toute façon. Je ne vous vois pas tenir plus d'une semaine, de toute façon. Si vous êtes si sûr de vous, passons au marché. Je vous laisse un mois pour me convaincre. Si je fais erreur, erreur, oh la vieille faute dans erreur, ah ! Alors, attends, je recommence. Si vous êtes si sûr de vous, passons à marcher. Je vous laisse un mois pour me convaincre. Si je fais erreur, je vous mettrai effectivement en relation avec QG. Mais si j'ai raison, je vous débarque de la mission. Deal ? Si vous êtes si sûr de vous, passons à marcher. Je vous laisse un mois pour me convaincre. Si je fais erreur, je vous mettrai effectivement en relation avec QG. Mais si j'ai raison, je vous débarque de la mission. Deal ? Si vous êtes si sûr de vous. Passons à marcher. Je vous laisse un mois pour me convaincre. Et si je fais erreur, je vous mettrai effectivement en relation avec QG. Mais si j'ai raison, je vous débarque de la mission. Deal ? Deal ? Deal ? Oh my god. J'éteins tout de suite.